Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la grande famine en Irlande au 19e siècle. Il faut savoir qu'il y a un peu plus d'un siècle seulement, il y a eu une très grande famine dans un pays d'Europe et d'Europe occidentale qui a été l'Irlande. Mais l'Irlande ne s'est jamais remis démographiquement. C'est le seul pays d'Europe qui a vu sa population diminuer. Et ô combien, de plus de moitié, il y avait près de 9 millions d'Irlandais au milieu du 19e siècle. Les ravages provoqués par la grande famine du milieu du 19e siècle se font aujourd'hui encore ressentir en Irlande. Non seulement le pays n'a jamais réussi à combler le vide provoqué par cette incroyable vague d'immigration dont parlait l'historien Jean Guiffant à l'émission Au fil du temps en 1992, mais le souvenir de la douleur associée à la famine et l'insensibilité démontrée par le gouvernement britannique de l'époque sont aujourd'hui encore bien présents dans l'imaginaire et dans la culture populaire irlandaise. Oh, father dear, and I often hear you speak of Erin's Isle. Her lofty scenes, her valleys green, her mountains rude and wild. They say it is a lovely land wherein a prince might dwell. Then why did you abandon it? Oh, the reason to me tell. La chanson Skibbereen du groupe The Dubliners parut au début des années 70. Cette chanson-là témoigne assez bien de la place qu'occupe aujourd'hui encore la Grande Famine dans la culture populaire irlandaise. Pour nous raconter l'histoire de la Grande Famine, nous guider également dans la lecture politique qu'il faut en faire avec le recul de cette Grande Famine, de la façon dont le gouvernement britannique va gérer cette crise de la Grande Famine irlandaise. Mon invité est Laurent Colantonio, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, co-auteur avec Fabrice Ben-Simon de l'ouvrage « La grande famine en Irlande ». Laurent Colantonio, bonjour. Bonjour. Quelle place ça occupe aujourd'hui? On entendait cette chanson, ça remonte à 74, cette chanson, mais il y en a encore. Sinéad O'Connor, plus récemment, a fait d'autres chansons sur la famine en Irlande. Quelle place ça occupe aujourd'hui, cette grande famine, dans l'imaginaire collectif irlandais? Aujourd'hui, la grande famine occupe encore toujours une très grande place. D'abord parce que, comme vous dites, il y a des chansons qui ont été faites, des livres qui ont été écrits. Et puis, il y a tout cet imaginaire de la diaspora aussi. Hein. Les Irlandais aux États-Unis, au Canada, en Australie. Ça a été fondamental dans l'histoire de l'Irlande et de la culture irlandaise. Ça a été fondamental et c'est considéré parfois comme un point de départ hein, vers l'Irlande, la naissance, le début de l'Irlande moderne fondée sur cette tragédie. Ouais. Et puis, tout un traumatisme presque, je pense qu'on peut le dire, par rapport au lien qui unit les Irlandais à l'Angleterre. Évidemment, hein, pour les nationalistes en particulier, la Grande Famine, c'est le dernier chaînon, le chaînon ultime de la dépendance et de la domination britannique en Irlande. Donc la question de savoir si les Anglais sont responsables, voire coupables de cette Grande Famine, occupe une place encore importante jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Comment mesurer, comment décrire l'ampleur qu'aura cette grande famine en Irlande, Laurent Colantonio? Vous avez, eh bien écoutez, à l'issue de ces cinq années, 1846-1851, vous avez plus d'un million de personnes qui meurent et vous avez entre 1 million et 1,5 million de personnes qui émigrent, en particulier vers l'Amérique du Nord. Ouais. Donc les chiffres sont éloquents sur une population totale, Jean Guiffant le disait tout à l'heure, de 8,5 millions à peu près estimés en 1845. Ouais. Et tout ça sur une très courte période, à quelques années, c'est de ça dont on parle. Quelques années, 1845-46, 1851. Ouais. Question qui peut avoir l'air simplette, mais qui au fond ne l'est pas. On parle de grande famine. On peut se dire les gens meurent bêtement de faim. Oui, mais non. Non, il y a au départ il y a une minorité de personnes qui meurent littéralement de faim, mais la plupart vont mourir de maladies infectieuses qui sont liées à la malnutrition, au fait d'ingérer un peu n'importe quoi. Les gens mangent des écorces de bois. Et donc, dysenterie, diarrhée, c'est une forte proportion des morts. Et puis, des maladies épidémiques ensuite, hein, sur des corps affaiblis, mal nourris, typhus, et le choléra qui arrive même en 1849, ou les fièvres aussi, qui font que c'est surtout de cela dont on meurt. Comment décrire cette Irlande qui souffre de faim et de maladies infectieuses? Comment décrire cette Irlande de la Grande Famine? On écoute Raymond Archambault lire le récit qu'en fait le journal Le Globe de Londres en 1847, extrait de l'émission La vie comme une histoire, diffusée en février 2001. John Manway, lundi à minuit. Le cœur manque à l'aspect de tant de misère. Toute description reste au-dessous de la réalité. En entrant à Dunmanway le dimanche, j'ai croisé 4 cadavres que l'on transportait au cimetière de Fanlovers. Le premier était posé sur un brancard grossièrement fait au moyen de 2 bâtons. Le deuxième, celui d'un enfant, était renfermé dans une bière qu'un homme portait sur son épaule. Le troisième était sur une charrette et le quatrième sur une brouette que poussait une femme. À Skibbereen, on ne fait que creuser des fosses toute la journée. Les charpentiers et les menuisiers travaillent jour et nuit, sans exception, même le dimanche, et ne peuvent venir à bout de satisfaire aux nombreuses commandes de cercueils qui leur sont faites. Mais c'est à Ballydehall que m'attendait le plus affreux spectacle. Les habitants de ce canton meurent par centaines. On m'assure que dernièrement, quelqu'un pénétrant dans une misérable hutte de ce village y trouva toute une famille, 8 personnes, occupées à dévorer leurs chiens. On a enterré hier dans le cimetière de Skull 18 personnes. Une seule avait un cercueil. De jour en jour, l'état de l'Irlande semble devenir plus alarmant. La misère s'étend de plus en plus et il s'organise un système de pillage presque universel. Dans certains districts, les fermiers sont obligés de rester sur pied toute la nuit pour défendre le peu qui leur reste et veiller à la sûreté de leurs champs de navets. Alors, à quoi ressemble cette Irlande de la Grande Famine, Laurent Colantonio? Comment on y vit? Comment y vivent ceux qui réussissent à survivre? Effectivement, le reportage qu'on vient d'entendre, parfois accompagné aussi de gravures, il y a aussi des gravures qui sont faites à la même époque et qui montrent un peu ces difficultés-là. La population irlandaise est très majoritairement pauvre, selon les critères de l'époque au milieu du 19e siècle. On estime à entre 30 et 50% de la population qui vit vraiment de manière très pauvre. Ce sont des gens qui sous-louent des terres, donc sur des toutes petites exploitations, qui produisent la pomme de terre et qui ont à payer le loyer de la terre, la rent. Hein, et c'est ce loyer de la terre qu'ils doivent payer mensuellement, la plupart du temps, au landlord, en vendant au marché quelques céréales ou le cochon une fois par an. C'est la seule économie monétisée. Là, hein. Pour le reste, les gens vivent dans des toutes petites chaumières, surtout plus on va vers l'ouest et plus c'est le cas, et se nourrissent essentiellement de pommes de terre parce que ça ne leur coûte quasi rien. Et ça leur permet de survivre. Ouais. Donc, on voit bien qu'à partir du moment, puis on entre dans les causes de cette grande famine, mais la culture de la pomme de terre s'effondre, comme ils sont dépendants de cette culture-là dans leur alimentation, mais c'est aussi, il y a, comme vous le disiez, sur le plan du revenu, il y a l'exploitation de quelque part, la pomme de terre qui nourrit la famille, le porc qui, en gros, paie le loyer qu'on leur demande pour la terre. À partir du moment où il n'y a plus de pomme de terre, on mange le porc, puis il n'y a plus rien du tout. Ils sont chassés. Non seulement ils ont faim, ils doivent manger un peu n'importe quoi, ce qui provoque les maladies infectieuses dont vous parliez à l'instant, mais ils sont carrément chassés de chez eux, ces gens-là. C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne peuvent plus payer la rente, la rent, hein, le loyer de la terre, eh bien, ils sont expulsés. Et on estime, et c'est une estimation plutôt basse, à 500 000 le nombre de paysans locataires avec leurs familles qui ont été expulsés, qui du jour au lendemain se retrouvent errants sur les routes ou dans les workhouses pour essayer de s'en sortir. Mais effectivement, hein, c'est terrible. La cause, il y en a de multiples causes. Mais la première cause, qu'est-ce qui provoque d'abord et avant tout cette grande famine? Ah bien, tout d'abord, c'est la maladie de la pomme de terre. Donc c'est une cause écologique, hein, le mildiou qui est arrivé en Europe à partir dans les années 1845 et s'attaque aux plants de pommes de terre à partir de l'automne 1845 pour la première fois en Irlande et qui en fait ravage. C'est un champignon, qui est un micro-organisme qui ravage tout, qui fait pourrir les plantes, le tubercule et qui fait que, en dégageant une odeur nauséabonde dont il est souvent question d'ailleurs dans les descriptions, ce qui fait qu'il n'y a plus rien ni à manger ni à replanter. Ouais. Et comme il ne se fait que ça, on ne fait que de la pomme de terre en Irlande. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à manger littéralement. Il y a aussi le contexte économique, le contexte politique de l'Irlande de l'époque qui est un facteur d'aggravation de la situation. l'évolution de cette grande famine. On l'a un petit peu abordé avec ce système de loyer, mais en gros, comment ça fonctionne? Pourquoi tout le monde est locataire de sa terre? Mais comment fonctionne cette Irlande de l'époque? Eh bien, elle est au sommet de la pyramide sociale, vous avez les landlords, qui sont environ 10 000, hein, qui sont les propriétaires de la terre, qui sont issus pour la plupart de la colonisation de l'île au 16e et 17e siècle, et qui ensuite vont louer leurs terres, de grands espaces à des gros fermiers, à des relativement bien portants, qui eux-mêmes vont subdiviser la terre et la sous-louer à des fermiers plus pauvres, qui eux-mêmes vont encore le refaire dû à la forte pression démographique, hein, 8,5 millions d'habitants sur cette petite île. Ce qui fait qu'à la fin, tout en bas de l'échelle sociale, vous avez 2 à 3 millions peut-être de petits paysans qui sous-louent des tout petits lopins de moins d'un hectare, les cottiers, et il y a aussi des ouvriers journaliers qui n'ont même pas de terre, qui sont salariés, et qui sont aussi 2 millions à peu près. Donc une société très hiérarchisée. Très inégalitaire. Très inégalitaire, oui. Qui est au sommet de la pyramide, de fait? Ce sont donc les descendants de ces colons anglo-irlandais, enfin anglais ou écossais du 16e et 17e siècle, au moment où l'île avait été conquise et où tous les Irlandais catholiques à l'époque avaient été expropriés au bénéfice donc de ces landlords. Et l'Irlande, à ce moment-là, évidemment, elle dépend, elle répond de Londres, de l'État britannique. Comment cet État britannique va gérer cette crise, va répondre à cette urgence humanitaire provoquée par la Grande Famine? C'est une question qui, aujourd'hui encore, fait débat. À nouveau, on écoute l'historien Jean Guiffant à l'émission L'Histoire aujourd'hui, cette fois, extrait d'une émission diffusée en 1995. On est frappé par le peu de réaction. Les mesures ont été dérisoires, parcimonieuses, incomplètes et tardives. Et on peut effectivement se demander pourquoi. Il y a sans doute eu une sous-estimation de la crise. Je crois qu'on n'en a pas vu tout de suite l'ampleur. On n'a pas voulu envoyer d'argent non plus parce qu'on avait peur que si on envoyait de l'argent en Irlande, ça serve à acheter des armes au profit des nationalistes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on vit dans le principe de la non-intervention de l'État dans le domaine économique. Et il est quand même caractéristique même de constater que les Anglais ont presque profité de cette famine en Irlande pour abolir les fameux droits sur le blé. C'était le vieux débat entre libre-échange et protectionniste à cette époque. C'est la tendance libre-échangiste qui l'emporte. Et on abolit les droits sur le blé. Ce qui fait que, paradoxalement, on va voir du blé qui continue à sortir d'Irlande alors que les Irlandais meurent de faim. Mais quand on connaît maintenant l'ampleur démographique de la grande famine, on est quand même surpris de cette relative indifférence qu'il y a pu y avoir. C'est assez horrible ce qu'on vient d'entendre, Laurent Colantonio. Comment expliquer cette insensibilité des autorités britanniques par rapport à la situation en Irlande? Alors, des éléments ont été donnés. Il y a d'abord effectivement ce respect quasi dogmatique des principes du libéralisme économique qui fait que l'État ne doit pas ou peut intervenir dans la régulation du marché. Vous savez, ça me faisait penser, quand je préparais cette émission, ce dogmatisme-là. On a fait une émission sur le président Herbert Hoover qui, au début de la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis, souffre de la même maladie. Mm-hmm. C'est doctrinaire. L'État ne doit pas intervenir. D'autant que, comme le disait Jean Guiffant, en 1846, les Corn Laws, les lois sur les blés ont été abolies et que donc on entre vraiment dans l'ère du libre-échange total. Et entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, c'est le libre-échange déjà depuis l'acte d'union, depuis 1815. Et donc ça, c'est une des premières raisons. On intervient peu et l'État britannique ne considère pas qu'il est de son ressort d'intervenir pour soulager trop la misère des pauvres. Oui. La question sociale ne fait pas partie de ses attributs. Mm-hmm. Donc ça, c'est une première raison. Va avec ça, on dirait la croyance que Dieu l'a voulu et que finalement, les Irlandais sont punis par la providence divine. Donc, là encore, inutile de trop s'acharner. Une forme de providentialisme, de moralisme aussi. Oui. Les Irlandais sont responsables de leur malheur parce qu'ils sont feignants, parce qu'ils sont ils ne veulent pas travailler. Donc toute une série de préjugés. De préjugés, de stéréotypes qui héritaient de l'époque coloniale, mais qui font que voilà, ça fait ces trois éléments-là qui peuvent expliquer le peu de réaction. Il n'y a pas eu pas de réaction, mais il y a eu sans doute que les mesures ont été trop limitées, en tout cas pour faire face. Ouais. Et au début, étrangement, en fait, là où il y a un peu de réaction, c'est plutôt au début de la Grande Famine. Et cette fameuse année noire de 1847, qui est vraiment une année noire, à ce moment-là, il y a un désengagement complet de l'État britannique. Ça paraît assez paradoxal à première vue. Pourquoi? Alors, effectivement, 46-47, l'hiver 46-47, c'est terrible. Le mildiou attaque à nouveau. À un moment donné, en 1847, les Britanniques décident ou considèrent que la famine est terminée, voilà, au milieu de l'année 47, parce qu'en 47, l'automne 47, il n'y a pas d'attaque du mildiou pendant cette année-là. Mais donc, les Britanniques décident que c'est terminé, qu'ils n'ont plus besoin d'intervenir. Et donc, ils demandent aux Irlandais, aux landlords irlandais, de payer pour les pauvres Irlandais. Donc, la famine redevient, du point de vue britannique, une question locale. Est-ce qu'il y a, donc, les landlords paieront-ils? Première question. Et sinon, est-ce qu'il y aura une forme d'aide privée quelconque? Alors, les landlords, il y a différentes réponses. Hein. Certains vont aider leurs paysans, d'autres quasiment pas. Hein. Donc là, c'est très varié. Dans l'imaginaire national, il reste une des figures noires de la famine. Mais alors, en contrepartie, surtout au début, 46-47, il y a une aide internationale, britannique, mais aussi qui vient d'Europe, des États-Unis, évidemment de la diaspora. Ouais. Donc il y a beaucoup d'argent. L'Église aussi. L'Église catholique et tous ses réseaux, les Quakers aussi énormément. On considère qu'il y a à peu près 2 millions de livres qui ont été versés à travers ces dons. Quel impact aura cette grande famine sur l'Irlande? Encore une fois, plusieurs impacts. Le premier, on en parlait au tout début de l'émission, cette vague d'immigration incroyable qui va suivre la grande famine. Pour nous en parler, on écoute l'historien John Willis à l'émission La Grande Mouvance en 1988. Dans la seule année de 1847, il se dirige sur la ville de Liverpool une vague de 300 000 Irlandais. Bon. Les Irlandais en Angleterre à cette époque-là sont tellement nombreux qu'on les charroie à même des wagons ferroviaires à bestiaux. Alors c'est une scène peu rassurante pour l'observateur du 20e siècle. Il y a surtout la condition des gens en 1847, ce qui rend l'atmosphère extrêmement dramatique. Les gens sont atteints d'une maladie, la typhoïde. Les autorités britanniques sont dépassées par le phénomène, ne savent pas comment faire face à un phénomène épidémique de cette échelle, et on peut dire autant pour les autorités canadiennes, puisque ici, dans la vallée du Saint-Laurent, se déferle une vague de 100 000 Irlandais pour la seule année de 1847. Le courant qui se déferle sur l'Amérique du Nord britannique est constitué de gens qui sont des propriétaires de terres ou des tenanciers. Ce sont des gens qui ont quelque chose à vendre avant de partir de l'Irlande. Ce sont également des gens qui paient des taxes en Irlande et constatent, avec l'appauvrissement progressif de la population au cours de la disette et après, que cela coûte trop cher pour leurs propres aspirations que de subvenir aux besoins des pauvres. Alors, ils quittent. Ce sont des gens qui échappent à la pauvreté en tant que conséquence sur leur degré de taxation, s'il vous plaît. Ah, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre, Laurent Colantonio, mais sur cette vague d'immigration, quelques points éclairs. D'abord, récapitulation, combien d'Irlandais vont quitter l'île, à peu près? Alors, il y a, si on prend 1845-1851, c'est 1,5 million. Si on pousse jusqu'à 1855, c'est 2 millions. Ouais. 2 millions en 10 ans, hein, sur une population de 8,5. Oui. La plupart, pendant la famine, vont se diriger vers l'Amérique du Nord, plus d'un million, mais il y a toujours ces 300 ou 400 000 qui vont, les plus pauvres, vers la Grande-Bretagne. Et qui ne peuvent pas, hein, les plus pauvres, qui ne peuvent pas se payer le voyage. Ça coûte quelques pence d'aller d'Irlande à Liverpool. Mais pour traverser l'Atlantique, si on n'est pas subventionné, c'est plus cher. Et ça, c'est une autre dimension importante qui était un petit peu abordée dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Les conditions dans lesquelles se feront les voyages, c'est parfois horrible. Oui, c'est parfois horrible, notamment en 1847, hein, cette année noire, le Black 47, là, parce que les gens partent sur des bateaux qui ne sont absolument pas préparés pour cela. Et ce sont souvent des bateaux qui viennent pour le Canada, qui amenaient du bois et qui repartaient à vide, ben là, ils repartent à plein avec des migrants irlandais. Ouais. Imaginons les conditions de voyage, la promiscuité, le manque d'eau, de nourriture, les maladies qui se propagent, d'où le surnom de bateau-cercueil que l'on donne. Carrément. Et qui fonctionne bien pour l'année 1847, où on considère qu'il y a à peu près 50 000 personnes qui meurent en mer entre l'Europe et Amérique. Donc, il y en a un bon nombre qui réussiront malgré tout à survivre, parce que, bon, c'est un chiffre important, mais quand on compare le nombre de morts par rapport à ceux qui réussissent leur voyage, il y a beaucoup de gens, les Irlandais se retrouvent... L'Irlande, à partir du milieu du 19e siècle, n'est plus une île. Voilà. C'est ça qui se passe dans les faits. Il y aura quand même un impact pour ceux qui restent en Irlande. Qu'est-ce qui se passe avec ceux-là? Alors, il y a une première chose qu'on constate, c'est que la pression démographique est moindre. Les plus pauvres sont morts ou sont partis. Et donc, on cultive des parcelles plus grandes. On va varier un petit peu les productions, plus de céréales, le bétail aussi. Ce qui fait que finalement, pour ceux qui restent, ça va mieux qu'avant. Ouais. Oui. Donc, ça... ce qui est parfois mal vécu même par les individus et leurs descendants. Oui. Il y aura, on s'attaque à la mémoire, à ce qui reste de ça aujourd'hui, il y aura en 1997 des excuses officielles du premier ministre britannique de l'époque, Tony Blair, pour les torts subis par les Irlandais au moment de la Grande Famine. Pourquoi il fait ces excuses? Dans quel contexte ces excuses sont faites et comment c'est reçu en Irlande? Alors, ces excuses sont les premières qui sont faites par le gouvernement britannique officiel, hein, qui reconnaît la responsabilité du gouvernement pendant la Grande Famine. On est dans le contexte d'une Irlande, de relations entre l'Angleterre et l'Irlande qui vont de mieux en mieux, et c'est le contexte du début du processus de paix en Irlande du Nord, où donc, voilà, c'est un geste que fait le gouvernement britannique pour aller de l'avant vers l'amélioration des relations entre les deux États. Mmh. Et effectivement, en Irlande, les excuses de Blair sont relativement bien reçues. Hein. On est en pleine commémoration du 150e. Les Irlandais considèrent que c'est quand même un premier pas vers quelque chose, une reconnaissance de quelque chose. Sur le plan de la lecture historique, où en sont les historiens aujourd'hui par rapport à la façon dont le gouvernement britannique a géré cette crise-là? Il y a, à certaines époques, dans certains milieux, on parlait d'entreprises génocidaires. Mm-hmm. On en est où aujourd'hui? Alors, ce sont des... L'entreprise génocidaire, en général, les historiens n'acceptent pas cette expression-là qui va trop loin. La question de l'intentionnalité, hein. Il n'y a pas de plan prévu, donc la plupart des historiens ne vont pas jusque-là. Mais il y a tout un prisme d'interprétation entre ceux qui disent que les Britanniques ont fait quand même beaucoup et n'auraient pas tellement pu faire plus dans les conditions de l'époque parce que le fardeau est trop extraordinaire. Hein. Mmh. Et puis, beaucoup d'historiens considèrent quand même qu'aujourd'hui, le gouvernement britannique aurait pu faire beaucoup plus. Certains parlent de négligence coupable. Ouais. Cette question-là est une question qui reste en débat parmi les historiens aujourd'hui encore. Et au sein de la population, ils en sont où, les Irlandais d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, cette grande famine? Question difficile, parce qu'évidemment, je ne peux pas parler pour l'ensemble de la population, mais il y a eu depuis 20-25 ans un retour vers ce passé tragique, mais que les Irlandais étaient capables d'assumer parce qu'il y a eu le tigre celtique, parce qu'on se sentait mieux et qu'on était capable d'affronter ce passé un peu comme un point de départ vers le mieux actuel, ou en tout cas celui de la fin des années 1990. Donc c'est une question qui reste ancrée, je crois, avec des conséquences sur la manière de vivre des Irlandais jusqu'à aujourd'hui. Laurent Colantonio, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.